La deuxième session plénière de la septième conférence du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée a eu lieu le 22 courant à Pyongyang, sous la participation des membres titulaires et suppléants de la Fédération. On y a discuté des tâches et des structures pour accomplir à fond les tâches de programme précisées dans la lettre historique du maréchal Kim Jong-un, adressée aux délégués de la septième conférence de la Fédération générale des syndicats de Corée, devoir de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il à l'époque nouvelle, et tâches des organisations syndicales.